Section 3. Troisième partie. Livre premier. Suite. La mort de Robespierre n'avait pas tout fini. Les prisons ne se rouvraient que lentement. La veille du jour où le tribun expirant fut porté à l'échafaud, 80 victimes furent immolées, tant les meurtres étaient bien organisés, tant la mort procédait avec ordre et obéissance. Les deux bourreaux, Sanson, furent mis en jugement. Plus heureux que Roseau, exécuteur de Tardif sous le duc de Mayenne, ils furent acquittés. Le sang de Louis XVI les avait lavés. Les condamnés rendus à la liberté ne savaient à quoi employer leur vie. Les Jacobins désœuvraient à quoi amuser leurs jours. De là des bals et des regrets de la terreur. Ce n'était que goutte à goutte qu'on parvenait à arracher la justice aux conventionnels. Ils ne voulaient pas lâcher le crime, de peur de perdre la puissance. Le tribunal révolutionnaire fut aboli. André Dumont avait fait la proposition de poursuivre les continuateurs de Robespierre. La convention, poussée malgré elle, décréta à contre-cœur sur un rapport de Saladin qu'il y avait lieu de mettre en arrestation Barère, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, les deux derniers amis de Robespierre, et qui pourtant avaient contribué à sa chute. Carrier, Fouquier-Tinville, Joseph Lebon furent jugés. Des attentats, des crimes inouïs furent révélés, notamment les mariages républicains et la noyade de 600 enfants à Nantes. Les sections entre lesquelles se trouvaient divisées les gardes nationales accusaient la Convention des maux passés et craignaient de les voir renaître. La société des Jacobins combattait encore. Elle ne pouvait renifler sur la mort. Le gendre, jadis violent, revenu à l'humanité, était entré au comité de sûreté générale. La nuit même du supplice de Robespierre, il avait fermé le repère. Mais 8 jours après, les Jacobins s'étaient rétablis sous le nom de Jacobins régénérés. Les tricoteuses s'y retrouvèrent. Fréron publiait son journal ressuscité, l'orateur du peuple, et tout en applaudissant à la chute de Robespierre, il se rangeait au pouvoir de la Convention. Le buste de Marat restait exposé. Les divers comités, seulement changés de forme, existaient. Un froid rigoureux et une famine, mêlés aux souffrances politiques, compliquaient les calamités. Des groupes armés, remblayés de femmes criant « du pain » se formaient. Enfin, le premier prairial, 20 mai 1795, la porte de la Convention fut forcée, Féraud assassiné et sa tête déposée sur le bureau du président. On raconte l'impassibilité stoïque de Boissy d'Anglas, malheur à qui contesterait un acte de vertu. Cette végétation révolutionnaire poussait vigoureusement sur la couche de fumier arrosée de sang humain qui lui servait de base. Rossignol, Huchet, Grignoux, Moïse Bayle, Amard, Choudieu, Hens, Granet, Léonard Bourdon, tous les hommes qui s'étaient distingués par leurs excès s'étaient parqués entre les barrières, et cependant notre renom croissait au dehors. Lorsque l'opinion s'élevait contre les conventionnels, nos triomphes sur les étrangers étouffaient la clameur publique. Il y avait deux Frances, l'une horrible à l'intérieur, l'autre admirable à l'extérieur. On opposait la gloire à nos crimes, comme Bonaparte l'opposa à nos libertés. Nous avons toujours rencontré pour écueil devant nous nos victoires. Il est utile de faire remarquer l'anachronisme que l'on commet en attribuant nos succès à nos énormités. Ils furent obtenus avant et après le règne de la terreur. Donc la terreur ne fut pour rien dans la domination de nos armes. Mais ces succès eurent un inconvénient. Ils produisirent une auréole autour de la tête des spectres révolutionnaires. On crut sans examiner la date que cette lumière leur appartenait. La prise de la Hollande, le passage du Rhin, semblèrent être la conquête de la hache, non de l'épée. Dans cette confusion, on ne devinait pas comment la France parviendrait à se débarrasser des entraves qui, malgré la catastrophe des premiers coupables, continuaient de la presser. Le libérateur était là, pourtant. Bonaparte avait conservé la plupart et la plus mauvaise part des amis avec lesquels il s'était lié dans le Midi. Comme lui, il s'était réfugié dans la capitale. Salicetti, demeuré puissant par la fraternité jacobine, s'était rapproché de Napoléon. Fréron, désirant épouser Pauline Bonaparte, la princesse borghèse, prêtait son appui au jeune général. Loin des criailleries du forum et de la tribune, Bonaparte se promenait le soir au jardin des plantes avec Junot. Junot lui racontait sa passion pour Pauline, Napoléon lui confiait son penchant pour Madame de Beauharnais. L'incubation des événements allait faire éclore un grand homme. Madame de Beauharnais avait des rapports d'amitié avec Barras. Il est probable que cette liaison aida le souvenir du commissaire de la Convention lorsque les journées décisives arrivèrent. La liberté de la presse momentanément rendue travaillait dans le sens de la délivrance. Mais comme les démocrates n'avaient jamais aimé cette liberté et qu'elle attaquait leurs erreurs, ils l'accusaient d'être royaliste. L'abbé Morlaix, la Harpe, lançait des brochures qui se mêlaient à celles de l'Espagnol Marchena, immonde savant et spirituel avorton. La jeunesse portait l'habit gris à revers et à collet noir, réputé l'uniforme des chouans. La réunion de la nouvelle législature était le prétexte des rassemblements des sections. La section Lepelletier, connue naguère sous le nom de section des filles Saint-Thomas, était la plus animée. Elle parut plusieurs fois à la barre de la Convention pour se plaindre. La Créteille le Jeune lui prêta sa voix avec le même courage qu'il montra le jour où Bonaparte mitrailla les Parisiens sur les degrés de Saint-Roch. Les sections, prévoyant que le moment du combat approchait, firent venir de Rouen le général d'Anicamp pour le mettre à leur tête. On peut juger de la peur et des sentiments de la Convention par les défenseurs qu'elle convoqua autour d'elle. À la tête de ces républicains, dit Réal, dans son essai sur les journées de Vendémiaire, que l'on appela le bataillon sacré des patriotes de 89, et dans leur rang, on appelait ces vétérans de la Révolution qui en avaient fait les 6 campagnes, qui s'étaient battus sous les murs de la Bastille, qui avaient terrassé la tyrannie et qui s'armaient aujourd'hui pour défendre le même château qu'ils avaient foudroyé au 10 août. Là, je retrouvais les restes précieux de ces vieux bataillons de Liégeois et de Belges sous les ordres de leur ancien général Fillon. Réal finit ce dénombrement par cette apostrophe. « Ô toi par qui nous avons vaincu l'Europe avec un gouvernement sans gouvernants et des armées sans paye, génie de la liberté, tu veillais encore sur nous. » Ces fiers champions de la liberté vécurent trop de quelques jours. Ils allèrent achever leurs hymnes à l'indépendance dans les bureaux de la police d'un tyran. Ce temps n'est aujourd'hui qu'un degré rompu sur lequel a passé la Révolution. Que d'hommes ont parlé et agi avec énergie, se sont passionnés pour des faits dont on ne s'occupe plus. Les vivants recueillent le fruit des existences oubliées qui se sont consumées pour eux. On touchait au renouvellement de la Convention. Les assemblées primaires étaient convoquées, comités, clubs, sections faisaient un tribouille effroyable. La Convention, menacée par l'aversion générale, vit qu'il se fallait défendre. À Danicamp, elle opposa Barras, nommé chef de la force armée de Paris et de l'Intérieur. Ayant rencontré Bonaparte à Toulon et remémoré de lui par Madame de Beauharnais, Barras fut frappé du secours dont lui pourrait être un pareil homme. Il se l'adjoignit pour commandant en second. Le futur directeur, entretenant la Convention des journées de Vendémiaire, déclara que c'était aux dispositions savantes et promptes de Bonaparte que l'on devait le salut de l'enceinte, autour de laquelle il avait distribué les postes avec beaucoup d'habileté. Napoléon foudroya les sections et dit « J'ai mis mon cachet sur la France ». Attila avait dit « Je suis le marteau de l'univers, ego maleus orbis ». Après le succès, Napoléon craignit de s'être rendu impopulaire et il assura qu'il donnerait plusieurs années de sa vie pour effacer cette page de notre histoire. Il existe un récit des journées de Vendémiaire de la main de Napoléon. Il s'efforce de prouver que ce furent les sections qui commencèrent le feu. Dans leur rencontre, il put se figurer être encore à Toulon. Le général Carteau était à la tête d'une colonne sur le Pont-Neuf. Une compagnie de Marseillais marchait sur Saint-Roch. Les postes occupés par les gardes nationales furent successivement emportés. Réal, de la narration duquel je vous ai déjà entretenu, finit son exposition par ces niaiseries que croient fermes les Parisiens. C'est un blessé qui, traversant le salon des Victoires, reconnaît un drapeau qu'il a pris. « N'allons pas plus loin, » dit-il d'une voix expirante, « je veux mourir ici. » C'est la femme du général Dufraisse qui coupe sa chemise pour en faire des bandes. Ce sont les deux filles de Durocher qui administrent le vinaigre et l'eau-de-vie. Réal attribue tout à Barras, flagornerie de réticence. Elle prouve qu'en l'an IV, Napoléon, vainqueur au profit d'un autre, n'était pas encore compté. Il paraît que Bonaparte n'espérait pas tirer un grand avantage de sa victoire sur les sections, car il écrivait à Bourrienne Cherche un petit bien dans ta belle vallée de Lyonne. Je l'achèterai dès que j'aurai de l'argent. Mais n'oublie pas que je ne veux pas de bien national. » Bonaparte s'est ravisé sous l'Empire. Il a fait grand cas des biens nationaux. Ces émeutes de Vendémiaire terminent l'époque des émeutes. Elles ne se sont renouvelées qu'en 1830 pour mettre fin à la monarchie. 4 mois après les journées de Vendémiaire, le 19 Ventose, 9 mars, an 4, Bonaparte épousa Marie-Joseph Rose de Tachère. L'acte ne fait aucune mention de la veuve du comte de Beauharnais. Tallien et Barras sont témoins au contrat. Au mois de juin, Bonaparte est appelé au généralat des troupes cantonnées dans les Alpes-Maritimes. Carnot réclame contre Barras l'honneur de cette nomination. On appelait le commandement de l'armée d'Italie la dot de Madame Beauharnais. Napoléon, racontant à Sainte-Hélène avec dédain avoir cru s'allier à une grande dame, manquait de reconnaissance. Napoléon entre en plein dans ses destinées. Il avait eu besoin des hommes, les hommes vont avoir besoin de lui. Les événements l'avaient fait, il va faire les événements. Il a maintenant traversé ces malheurs auxquels sont condamnées les natures supérieures, avant d'être reconnues, contraintes de s'humilier sous les médiocrités dont le patronage leur est nécessaire. Le germe du plus haut palmier est d'abord abrité par l'arabe sous un vase d'argile. Arrivé à Nice, au quartier général de l'armée d'Italie, Bonaparte trouve les soldats manquant de tout, nus, sans souliers, sans pain, sans discipline. Il avait 28 ans. Sous ses ordres, Masséna commandait 36 000 hommes. C'était l'an 1796. Il ouvre sa première campagne, le 20 mars, date fameuse qui devait se graver plusieurs fois dans sa vie. Il bat Beaulieu à Monte Note. 2 jours après, à Milliessimo, il sépare les 2 armées, autrichienne et sarde. À Seva, à Mandovi, à Fossano, à Carrasco, les succès continuent. Le génie de la guerre même est descendu. Cette proclamation fait entendre une voix nouvelle, comme les combats avaient annoncé un homme nouveau. « Soldats, vous avez remporté en 15 jours 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, 15 000 prisonniers, tué ou blessé plus de 10 000 hommes. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau-de-vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Grâce vous soit rendue, soldats. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Nous n'en voulons qu'aux tyrans qui vous asservissent. » Dès le 15 mai, la paix est conclue entre la République française et le roi de Sardaigne. La Savoie est cédée à la France avec Nice et Tende. Napoléon avance toujours et il écrit à Carnot. Du quartier général à Plaisance, 9 mai 1796. Nous avons enfin passé le Pô. La seconde campagne est commencée. Beaulieu est déconcerté, il calcule assez mal et donne constamment dans les pièges qu'on lui tend. Peut-être voudra-t-il donner une bataille, car cet homme-là a l'audace de la fureur et non celle du génie. Encore une victoire et nous sommes maîtres de l'Italie. Dès l'instant que nous arrêterons nos mouvements, nous ferons habiller l'armée à neuf. Elle est toujours à faire peur, mais tout en graisse. Le soldat ne mange que du pain de gonesse, bonne viande et en quantité, etc. La discipline se rétablit tous les jours, mais il faut souvent fusiller, car il est des hommes intraitables qui ne peuvent se commander. Ce que nous avons pris à l'ennemi est incalculable. Plus vous m'enverrez d'hommes, plus je les nourrirai facilement. Je vous fais passer 20 tableaux des premiers maîtres du Corrège et de Michel-Ange. Je vous dois des remerciements particuliers pour les attentions que vous voulez bien avoir pour ma femme. Je vous la recommande, elle est patriote sincère, et je l'aime à la folie. J'espère que les choses vont bien, pouvant vous envoyer 12 millions à Paris. Cela ne vous fera pas de mal pour l'armée du Rhin. Envoyez-moi 4 000 cavaliers démontés, je chercherai ici à les remonter. Je ne vous cache pas que depuis la mort de Stengel, je n'ai plus un officier supérieur de cavalerie qui se batte. Je désirerais que vous me puissiez envoyer 2 ou 3 adjudants généraux qui aient du feu et une ferme résolution de ne jamais faire de savante retraite. C'est une des lettres remarquables de Napoléon. Quelle vivacité, quelle diversité de génie! avec les intelligences du héros, se trouve jetée pêle-mêle dans la profusion triomphale des tableaux de Michel-Ange, une raillerie piquante contre un rival, à propos de ses adjudants généraux ayant une ferme résolution de ne jamais faire de savante retraite. Le même jour, Bonaparte écrivait au directoire pour lui donner avis de la suspension d'armes accordée au duc de Parme et de l'envoi du Saint-Jérôme du Corrège. Le 11 mai, il annonce à Carnot le passage du pont de Lodi qui nous rend possesseurs de la Lombardie. S'il ne va pas tout de suite à Milan, c'est qu'il veut suivre Beaulieu et l'achever. Si j'enlève Mantoue, rien ne m'arrête plus pour pénétrer dans la Bavière. Dans deux décades, je puis être dans le cœur de l'Allemagne. Si les deux armées du Rhin entrent en campagne, je vous prie de me faire part de leur position. Il serait digne de la République d'aller signer le traité de paix des trois armées réunies dans le cœur de la Bavière et de l'Autriche étonnée. L'aigle ne marche pas, il vole, chargé de banderoles de victoire suspendues à son cou et à ses ailes. Il se plaint de ce qu'on veut lui donner pour adjoint Kellermann. Je ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le premier général de l'Europe. Et je crois qu'un mauvais général vaut mieux que deux bons. Le 1er juin 1796, les Autrichiens sont entièrement expulsés d'Italie et nos avant-postes éclairent les monts de l'Allemagne. « Nos grenadiers et nos carabiniers, écrit Bonaparte au directoire, jouent et rient avec la mort. Rien n'égale leur intrépidité, si ce n'est la gaieté avec laquelle ils font les marches les plus forcées. Vous croiriez qu'arrivés au bivouac, ils doivent au moins dormir. Pas du tout. Chacun fait son compte ou son plan d'opération du lendemain, et souvent on en voit qui rencontrent très juste. L'autre jour, je voyais défiler une demi-brigade. Un chasseur s'approcha de mon cheval. « Général, me dit-il, il faut faire cela. »« Malheureux, lui dis-je, veux-tu bien te taire ?» Il disparaît à l'instant. Je l'ai fait en vain chercher. C'était justement ce que j'avais ordonné que l'on fît. Les soldats gradèrent leur commandant. À Lodi, ils le firent caporal, à Castiglione, sergent. Le 15 de novembre, on débouche sur Arcole. Le jeune général passe le pont qui l'a rendu fameux. 10 000 hommes restent sur la place. C'était un chant de l'Iliade, s'écriait Bonaparte au seul souvenir de cette action. En Allemagne, Moreau accomplissait la célèbre retraite que Napoléon appelait une retraite de sergent. Celui-ci se préparait à dire à son rival, en battant l'archiduc Charles, « Je suivrai d'assez près votre illustre retraite pour traiter avec lui sans besoin d'interprète. » Le 14 janvier 1797, les hostilités se renouèrent par la bataille de Rivoli. Deux combats contre Wurmser à Saint-Georges et à la Favorite entraînent pour l'ennemi la perte de 5 000 tués et de 20 000 prisonniers. Le demeurant se barricade dans Mantoue. La ville bloquée capitule, Wurmser, avec les 12 000 hommes qui lui restent, se rend. Bientôt la marche d'Ancône est envahie. Plus tard, le traité de Tolentino nous livre des perles, des diamants, des manuscrits précieux, la Transfiguration, le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, et termine cette suite d'opérations par lesquelles, en moins d'un an, 4 armées autrichiennes ont été détruites, la Haute-Italie soumise et le Tyrol entamé. On n'a pas le temps de se reconnaître, l'éclair et le coup partent à la fois. L'archiduc Charles, accouru pour défendre l'Autriche antérieure avec une nouvelle armée, est forcé au passage du Tagliamento. Gradisca tombe, Trieste est pris. Les préliminaires de la paix entre la France et l'Autriche sont signés à Léoben. Venise, formée au milieu de la chute de l'Empire romain, trahie et troublée, nous avait ouvert ses lagunes et ses palais. Une révolution s'accomplit le 31 mai 1797 d'Angène, sa rivale. La République ligurienne prend naissance. Bonaparte aurait été bien étonné si, du milieu de ses conquêtes, il eût pu voir qu'il s'emparait de Venise pour l'Autriche, des légations pour Rome, de Naples pour les Bourbons, de Gênes pour le Piémont, de l'Espagne pour l'Angleterre, de la Westphalie pour la Prusse, de la Pologne pour la Russie. Semblable à ces soldats qui, dans le sac d'une ville, se gorgent d'un butin qu'ils sont obligés de jeter, faute de le pouvoir emporter, tandis qu'au même moment, ils perdent leur patrie. Le 9 juillet, la République cisalpine proclame son existence. Dans la correspondance de Bonaparte, on voit courir la navette à travers la chaîne des révolutions attachées à la nôtre. comme Mahomet, avec le glaive et le Coran, nous allions l'épée dans une main, les droits de l'homme dans l'autre. Dans l'ensemble de ces mouvements généraux, Bonaparte ne laisse échapper aucun détail. Tantôt il craint que les vieillards des grands peintres de Venise, de Bologne, de Milan, ne soient bien mouillés en passant le Mont-Cenis. Tantôt il est inquiet qu'un manuscrit sur papyrus de la bibliothèque ambrosienne ne soit perdu. Il prie le ministre de l'Intérieur de lui apprendre s'il est arrivé à la Bibliothèque nationale. Il donne au directoire exécutif son opinion sur ses généraux. Berthier, talent, activité, courage, caractère, tout pour lui. Augereau, beaucoup de caractère, de courage, de fermeté, d'activité, est aimé du soldat, heureux dans ses opérations. Masséna, actif, infatigable, a de l'audace, du coup d'œil et de la promptitude à se décider. Serrurier, se bat en soldat, ne prend rien sur lui, ferme, n'a pas assez bonne opinion de ses troupes, est malade. Despinois, mou, sans activité, sans audace, n'a pas l'état de la guerre, n'est pas aimé du soldat, ne se bat pas à sa tête, a d'ailleurs de la hauteur, de l'esprit et des principes politiques sains, bon à commander dans l'intérieur. Sauret, bon, très bon soldat, pas assez éclairé pour être général, peu heureux. Abatucci, pas bon à commander 50 hommes, etc., etc. Bonaparte écrit au chef des Maillinotes. Les Français estiment le petit mais brave peuple qui, seul de l'ancienne Grèce, a conservé sa vertu, les dignes descendants de Sparte, auxquels il n'a manqué pour être aussi renommés que leurs ancêtres, que de se trouver sur un plus vaste théâtre. Il instruit l'autorité de la prise de possession de Corfou. L'île de Corcyre, remarque-t-il, était, selon Homère, la patrie de la princesse Nausicaa. Il envoie le traité de paix conclu avec Venise. Notre marine y gagnera 4 ou 5 vaisseaux de guerre, 3 ou 4 frégates, plus 3 ou 4 millions de cordages. Qu'on me fasse passer des matelots français ou corses, mande-t-il, je prendrai ceux de Mantoue et de Guarda. 1 million pour Toulon, que je vous ai annoncé, par demain. 2 millions, etc., formeront la somme de 5 millions que l'armée d'Italie aura fournie depuis la nouvelle campagne. J'ai chargé de se rendre à Sion pour chercher à ouvrir une négociation avec le Valais. J'ai envoyé un excellent ingénieur pour savoir ce que coûterait cette route à établir, le Simplon. J'ai chargé le même ingénieur de voir ce qu'il faudrait pour faire sauter le rocher dans lequel s'enfuit le Rhône, et par là rendre possible l'exploitation des bois du Valais et de la Savoie. Il donne avis qu'il fait partir de Trieste un chargement de blé et d'acier pour Gênes. Il fait présent au pacha de Scutari de 4 caisses de fusils, comme une marque de son amitié. Il ordonne de renvoyer de Milan quelques hommes suspects et d'en arrêter quelques autres. Il écrit au citoyen Grognard, ordonnateur de la marine à Toulon, « Je ne suis pas votre juge, mais si vous étiez sous mes ordres, je vous mettrais aux arrêts pour avoir obtempéré à une réquisition ridicule. » Une note remise au ministre du pape dit « Le pape pensera peut-être qu'il est digne de sa sagesse, de la plus sainte des religions, de faire une bulle ou mandement qui ordonne aux prêtres obéissance au gouvernement. » Tout cela est mêlé de négociations avec les républiques nouvelles, des détails des fêtes pour Virgile et Arioste, des bordereaux explicatifs des 20 tableaux et des 500 manuscrits de Venise. Tout cela a lieu à travers l'Italie assourdie du bruit des combats, à travers l'Italie devenue une fournaise où nos grenadiers vivaient dans le feu comme des salamandres. Pendant ces tourbillons d'affaires et de succès, advint le 18 Fructidor, favorisé par les proclamations de Bonaparte et les délibérations de son armée, en jalousie de l'armée de la Meuse. Alors disparut celui qui, peut-être à tort, avait passé pour l'auteur des plans des victoires républicaines. On assure que d'Anicy, Lafitte, d'Arson, 3 génies militaires supérieurs, dirigeaient ces plans. Carnot se trouva proscrit par l'influence de Bonaparte. Le 17 octobre, celui-ci signe le traité de paix de Campo Formio. La première guerre continentale de la Révolution finit à 30 lieues de Vienne. Un congrès étant rassemblé à Rastad, et Bonaparte ayant été nommé par le directoire représentant à ce congrès, il prit congé de l'armée d'Italie. « Je ne serai consolé, lui dit-il, que par l'espoir de me revoir bientôt avec vous, luttant contre de nouveaux dangers. Le 16 novembre 1797, son ordre du jour annonce qu'il a quitté Milan pour présider la légation française au Congrès et qu'il a envoyé au directoire le drapeau de l'armée d'Italie. Sur un des côtés de ce drapeau, Bonaparte avait fait broder le résumé de ses conquêtes. 150 000 prisonniers, 17 000 chevaux, 550 pièces de siège, 600 pièces de campagne, 5 équipages de pont, 9 vaisseaux de 54 canons, 12 frégates de 32, 12 corvettes, 18 galères. Armistice avec le roi de Sardaigne, convention avec Gênes. Armistice avec le duc de Parme, avec le duc de Modène, avec le roi de Naples, avec le pape. Préliminaire de Léoben. Convention de Montebello avec la République de Gênes. Traité de paix avec l'empereur à Campo Formio. Donner la liberté aux peuples de Bologne, Ferrare, Modène, Massa Carrara, de la Romagne, de la Lombardie, de Brescia, de Bergame, de Mantoue, de Crème, d'une partie du Véronais, de Chiavenna, Bormio et de la Valteline. Aux peuples de Gênes, aux fiefs impériaux, aux peuples des départements de Corsire, de la mer Égée et d'Ithaque. Envoyez à Paris tous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, de Titien, de Paul Véronèse, Corrège, Alban, des Caracci, Raphaël, Léonard de Vinci, etc., etc. Ce monument de l'armée d'Italie, dit l'ordre du jour, sera suspendu aux voûtes de la salle des séances publiques du directoire. Il attestera les exploits de nos guerriers quand la génération présente aura disparu. Après une convention purement militaire qui stipulait la remise de Mayence aux troupes de la République et la remise de Venise aux troupes autrichiennes, Bonaparte quitta Rastad et laissa la suite des affaires du Congrès aux mains de Trélat et de Bonnier. Dans les derniers temps de la campagne d'Italie, Bonaparte eut beaucoup à souffrir de l'envie de divers généraux et du directoire. Deux fois il avait offert sa démission. Les membres du gouvernement la désiraient et n'osaient l'accepter. Les sentiments de Bonaparte ne suivaient pas le penchant du siècle. Il cédait à contre-cœur aux intérêts nés de la Révolution, de là les contradictions de ses actes et de ses idées. De retour à Paris, il descendit dans sa maison rue Chantereine, qui prit et porte encore le nom de rue de la Victoire. Le Conseil des Anciens voulut faire à Napoléon le don de Chambord, ouvrage de François Ier qui ne rappelle plus que l'exil du dernier fils de Saint-Louis. Bonaparte fut présenté au directoire le 10 décembre 1797 dans la cour du palais du Luxembourg. Au milieu de cette cour s'élevait un autel de la patrie, surmonté des statues de la liberté, de la légalité et de la paix. Les drapeaux conquis formaient un dais au-dessus des 5 directeurs habillés à l'antique. L'ombre de la victoire descendait de ces drapeaux, sous lesquels la France faisait halte un moment. Bonaparte était vêtu de l'uniforme qu'il portait à Arcole et à Lodi. Monsieur de Talleyrand reçut le vainqueur auprès de l'autel, se souvenant d'avoir naguère dit la messe sur un autre autel. Fuyard, revenu des États-Unis, chargé par la protection de Chénier du ministère des Relations extérieures, l'évêque d'Autun, le sabre au côté, était coiffé d'un chapeau à la Henri IV. Les événements forçaient de prendre au sérieux ces travestissements. Le prélat fit l'éloge du conquérant de l'Italie. « Il aime, dit-il mélancoliquement, il aime les champs d'Ossian, surtout parce qu'il détache de la terre. Loin de redouter ce qu'on appelle son ambition, il nous faudra peut-être le solliciter un jour pour l'arracher aux douceurs de sa studieuse retraite. La France entière sera libre. Peut-être lui ne le saura jamais. Telle est sa destinée. » Merveilleusement deviné. Le frère de Saint-Louis à Grandella, Charles VIII à Fornoux, Louis XII à Agnadel, François Ier à Marignan, Lautrec à Ravenne, Catina à Turin, demeurent loin du nouveau général. Les succès de Napoléon n'eurent point de pair. Les directeurs, redoutant un despotisme supérieur qui menaçait tous les despotismes, avaient vu avec inquiétude les hommages que l'on rendait à Napoléon. Ils songeaient à se débarrasser de sa présence. Ils favorisèrent la passion qu'ils montraient pour une expédition dans l'Orient. Ils disaient « L'Europe est une taupinière. Il n'y a jamais eu de grands empires et de grandes révolutions qu'en Orient. Je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Europe n'en fournit pas assez. » Napoléon, comme un enfant, était charmé d'avoir été élu membre de l'Institut. Il ne demandait que 6 ans pour aller aux Indes et pour en revenir. « Nous n'avons que 29 ans, remarquait-il en songeant à lui. « Ce n'est pas un âge, j'en aurai 35 à mon retour. » Nommé général d'une armée dite de l'Angleterre, dont les corps étaient dispersés de Brest à Anvers, Bonaparte passa son temps à des inspections, à des visites aux autorités civiles et scientifiques, tandis qu'on assemblait les troupes qui devaient composer l'armée d'Égypte. Survint l'échauffourée du drapeau tricolore et du bonnet rouge que notre ambassadeur à Vienne, le général Bernadotte, avait planté sur la porte de son palais. Le directoire se disposait à retenir Napoléon pour l'opposer à la nouvelle guerre possible, lorsque M. de Cobenzl prévint la rupture et Bonaparte reçut l'ordre de partir. L'Italie devenue républicaine, la Hollande transformée en république, la paix laissant à la France étendue jusqu'au Rhin des soldats inutiles, dans sa prévoyance peureuse, le directoire s'empressa d'écarter le vainqueur. Cette aventure d'Égypte change à la fois la fortune et le génie de Napoléon en surdorant ce génie, déjà trop éclatant, d'un rayon du soleil qui frappa la colonne de nuées et de feu. Toulon, 19 mai 1798. Proclamation. Soldats, vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagne, de plaine, de siège. Il vous reste à faire la guerre maritime. Les légions romaines que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles. Soldats, l'Europe a les yeux sur vous. Vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre. Vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire. » Après cette proclamation de souvenir, Napoléon s'embarque. On dirait d'Homère ou du héros qui enfermait les chants du Méonide dans une cassette d'or. Cet homme ne chemine pas tout doucement. À peine a-t-il mis l'Italie sous ses pieds qu'il paraît en Égypte. Épisode romanesque dont il agrandit sa vie réelle. Comme Charlemagne, il attache une épopée à son histoire. Dans la bibliothèque qu'il emporta se trouvaient Ossian, Werther, la Nouvelle Héloïse et le Vieux Testament. Indication du chaos de la tête de Napoléon. Il mêlait les idées positives et les sentiments romanesques, les systèmes et les chimères, les études sérieuses et les emportements de l'imagination, la sagesse et la folie. De ces productions incohérentes du siècle, il tira l'Empire, songe immense mais rapide comme la nuit désordonnée qu'il avait enfantée. Entré dans Toulon le 9 mai 1798, Napoléon descend à l'hôtel de la marine. 10 jours après, il monte sur le vaisseau amiral, l'Orient. Le 19 mai, il met à la voile. Il part de la borne où la première fois il avait répandu le sang, et un sang français. Les massacres de Toulon l'avaient préparé au massacre de Jaffa. Il menait avec lui les généraux premiers-nés de sa gloire, Berthier, Caffarelli, Kléber, Desseix, Lannes, Murat, Menou. 13 vaisseaux de ligne, 14 frégates, 400 bâtiments de transport l'accompagnent. Nelson le laissa échapper du port et le manqua sur les flots, bien qu'une fois nos navires ne fussent qu'à 6 lieues de distance des vaisseaux anglais. De la mer de Sicile, Napoléon aperçut le sommet des Apennins. Il dit « Je ne puis voir sans émotion la terre d'Italie. Voilà l'Orient. J'y vais. » À l'aspect de l'Ida, explosion d'admiration sur Minos et la sagesse antique. Dans la traversée, Bonaparte se plaisait à réunir les savants et provoquait leurs disputes. Il se rangeait ordinairement à l'avis du plus absurde ou du plus audacieux. Il s'enquérait si les planètes étaient habitées, quand elles seraient détruites par l'eau ou par le feu, comme s'il eût été chargé de l'inspection de l'armée céleste. Il aborde à Malte, déniche la vieille chevalerie retirée dans le trou d'un rocher marin, puis il descend parmi les ruines de la cité d'Alexandre. Il voit à la pointe du jour cette colonne de Pompée que j'apercevais du bord de mon vaisseau en m'éloignant de la Libye. Du pied du monument, immortalisé d'un grand et triste nom, il s'élance, il escalade les murailles derrière lesquelles se trouvait jadis le dépôt des remèdes de l'âme et les aiguilles de Cléopâtre maintenant couchées à terre parmi des chiens maigres. La porte de Rosette est forcée, nos troupes se ruent dans les deux havres et dans le phare, égorgement effroyable. L'adjudant général Boyer écrit à ses parents « Les Turcs, repoussés de tous côtés, se réfugient chez leurs dieux et leurs prophètes. Ils remplissent leurs mosquées. Hommes, femmes, vieillards, jeunes et enfants, tous sont massacrés. » Bonaparte avait dit à l'évêque de Malte « Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique et romaine sera non seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés. » Il dit, en arrivant en Égypte, « Peuple d'Égypte, je respecte plus que les Mamelouks Dieu, son prophète et le Coran. Les Français sont amis des musulmans. La guerre, ils ont marché sur Rome et renversé le trône du pape, qui aigrissait les chrétiens contre ceux qui professent l'islamisme. Bientôt après, ils ont dirigé leur course vers Malte et en ont chassé les incrédules qui se croyaient appelés de Dieu pour faire la guerre aux musulmans. Si l'Égypte est la ferme des Mamelouks, qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait. » Napoléon marche aux pyramides. Il crie à ses soldats « Songez que du haut de ces monuments, 40 siècles ont les yeux fixés sur vous. » Il entre au Caire, sa flotte saute en l'air à Aboukir. L'armée d'Orient est séparée de l'Europe. Julien de la Drôme, fils de Julien le Conventionnel, témoin du désastre, le note minute par minute. Il est 7 heures, la nuit se fait et le feu redouble encore. À 9 heures et quelques minutes, le vaisseau a sauté. Il est 10 heures, le feu se ralentit et la lune se lève à droite du lieu où vient de s'élever l'explosion du vaisseau. Bonaparte au Caire déclare au chef de la loi qu'il sera le restaurateur des mosquées. Il envoie son nom à l'Arabie, à l'Éthiopie, aux Indes. Le Caire se révolte, il le bombarde au milieu d'un orage. L'inspiré dit aux croyants « Je pourrais demander à chacun de vous compte des sentiments les plus secrets de son cœur, car je sais tout. Même ce que vous n'avez dit à personne. » Le grand shérif de la Mecque le nomme dans une lettre le protecteur de la Kaaba. Le pape, dans une missive, l'appelle « mon très cher fils ». Par une infirmité de nature, Bonaparte préférait souvent son côté petit à son grand côté. La partie qu'il pouvait gagner d'un seul coup ne l'amusait pas. La main qui brisait le monde se plaisait au jeu des gobelets. Sûr, quand il usait de ses facultés de se dédommager de ses pertes, son génie était le réparateur de son caractère. Que ne se présenta-t-il tout d'abord comme l'héritier des chevaliers? Par une position double, il n'était, aux yeux de la multitude musulmane, qu'un faux chrétien et qu'un faux mahométan. Admirer des impiétés de système, ne pas reconnaître ce qu'elles avaient de misérable, c'est se tromper misérablement. Il faut pleurer quand le géant se réduit à l'emploi du grimacier. Les infidèles proposèrent à Saint-Louis, dans les fers, la couronne d'Égypte, parce qu'il était resté, disent les historiens arabes, le plus fier chrétien qu'on eût jamais vu. Quand je passais au Caire, cette ville conservait des traces des Français. Un jardin public, notre ouvrage, était planté de palmiers. Des établissements de restaurateurs l'avaient jadis entouré. Malheureusement, de même que les anciens Égyptiens, nos soldats avaient promené un cercueil autour de leur festin. Quelle scène mémorable, si l'on pouvait y croire. Bonaparte, assis dans l'intérieur de la pyramide de Khéops, sur le sarcophage d'un pharaon dont la momie avait disparu, et causant avec les mouftis et les imams. Toutefois, prenons le récit du moniteur comme le travail de la muse. Si ce n'est pas l'histoire matérielle de Napoléon, c'est l'histoire de son intelligence. Cela en vaut encore la peine. Écoutons dans les entrailles d'un sépulcre cette voix que tous les siècles entendront. Moniteur, 27 novembre 1798. Ce jour-d'hui, 25 thermidor de l'an 6 de la République française une et indivisible, répondant au 28 de la lune de Mucharim, l'an de l'Égir 1213, le général en chef, accompagné de plusieurs officiers de l'état-major de l'armée et de plusieurs membres de l'Institut national, s'est transporté à la grande pyramide dite de Khéops, dans l'intérieur de laquelle il était attendu par plusieurs mouftis et imams chargés de lui en montrer la construction intérieure. La dernière salle à laquelle le général en chef est parvenu est à voûte plate et longue de 32 pieds sur 16 de large et 19 de haut. Il n'y a trouvé qu'une caisse de granit d'environ 8 pieds de long sur 4 d'épaisseur qui renfermait la momie d'un pharaon. Il s'est assis sur le bloc de granit, a fait asseoir à ses côtés les mouftis et les imams, Suleiman, Ibrahim et Mohammed. Il a eu avec eux, en présence de sa suite, la conversation suivante. « Bonaparte, Dieu est grand et ses œuvres sont merveilleuses. Voici un grand ouvrage de main d'homme. Quel était le but de celui qui fit construire cette pyramide ?» Suleiman. C'était un puissant roi d'Égypte, dont on croit que le nom était Khéops. Il voulait empêcher que des sacrilèges ne vinssent troubler le repos de sa cendre. Bonaparte. Le grand Cyrus se fit enterrer en plein air pour que son corps retournât aux éléments. Penses-tu qu'il ne fit pas mieux? Le penses-tu? Suleiman s'inclinant. Gloire à Dieu, à qui toute gloire est due. Bonaparte. Gloire à Allah. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Mohammed est son prophète, et je suis de ses amis. Ibrahim. Que les anges de la victoire balayent la poussière sur ton chemin et te couvrent de leurs ailes. Le Mamelouk a mérité la mort. Bonaparte. Il a été livré aux anges noirs Moukir et Kouarkir. Suleiman. Il étendit les mains de la rapine sur les terres, les moissons, les chevaux de l'Égypte. Bonaparte. Les trésors, l'industrie et l'amitié des francs seront votre partage, en attendant que vous montiez au septième ciel et qu'assise aux côtés des houris aux yeux noirs, toujours jeunes et toujours vierges, vous vous reposiez à l'ombre du là-bas, dont les branches offriront d'elles-mêmes aux vrais musulmans tout ce qu'ils pourront désirer. De telles parades ne changent rien à la gravité des pyramides. 20 siècles descendus dans l'éternelle nuit y sont sans mouvement, sans lumière et sans bruit. Bonaparte, en remplaçant Khéops dans la crypte séculaire, en aurait augmenté l'immensité. Mais il ne s'est jamais traîné dans ce vestibule de la mort. Pendant le reste de notre navigation sur le Nil, dis-je, dans l'itinéraire, je demeurai sur le pont à contempler ces tombeaux. Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine. Ils portent la mémoire d'un peuple au-delà de sa propre existence et le font vivre contemporain des générations qui viennent s'établir dans ces champs abandonnés. Remercions Bonaparte, aux pyramides, de nous avoir si bien justifiés. Nous autres petits hommes d'État entachés de poésie qui maraudons de chétifs mensonges sur des ruines. Fin de la section 3.